Ok. Ouais. C'est ça l'ancienne. C'est comme ça. Si tu savais, hey, si tu savais, si tu savais, hey, hey, si tu savais, hey. Quand on était gosse, on voulait tous devenir grands, et maintenant qu'on est grand, on s'amuse tous comme des gamins. Des vieilles histoires à l'ancienne pour chambrer les potes. Et à l'époque, même avec l'afro, on avait la cote. Maintenant on est tous gris avec nos crânes chauves, ouais, ouais. Comme les petits du week-end qui veulent faire briller leur gauve. La vie un vrai casse-tête, tout le monde veut la recette. Dis-toi qu'ici, personne brille à part le soleil, mec. Chez nous c'est couscous, ma fée, Colombo à volonté. On s'éclate comme on peut malgré les faits d'hiver en été. Mais la mentalité des jeunes change, on bouleverse l'autorité. Et je crois que c'est ça qui dérange. Au départ on était rien, on était juste une bande de copains. À l'arrivée on sera combien dans tout ce merdier? Aujourd'hui, si le passé je viens graver dans vos esprits, c'est parce que j'ai trop de souvenirs, trop de choses à vous dire. Si tu savais. Ouais, bah bon, c'est pas le même délire que maintenant. Ouais, je donne ça à l'ancienne pour tous ceux qui se rappellent. Si tu savais. Ouais, moi j'ai trop de souvenirs et trop de choses à vous dire. Oh, si tu savais. Combien d'HLM ont les murs sales? Le béton bien armé reflète les amis en cavale. Un ballon de football sur du goudron, du son. Les buts dessinés à la peinture sur les murs voilent en l'horizon. Chaque personne s'arme de rêves fantastiques. Et dans leur vie de tous les jours, le mot HLM rend pudique. Des voisins souriants montrant leur danse scène. Ils attendent des élections pour voter le FN. Nos meilleurs souvenirs, les colonies de vacances. En espérant le fameux jour, on baignera tous dans la chance. Deux amis se rencontrent, ils échangent quelques mots. Ils parlent plus de famille, mais des ragots de mythos. Cette année on fait recette autour d'une bonne bouffe sans recette. Manu Kay sur la salette, depuis combien de mecs ont suivi le concept? 9-8 pour 9-9, l'année du cabrio neuf. J'ai promis à mes refs qu'après l'album on fera la teuf. Au départ on était rien, juste une bande de copains. À l'arrivée on restera les mêmes et quel que soit le destin. Aujourd'hui si le passé j'ai gravé dans vos esprits, c'est que j'avais trop de souvenirs, trop de choses à vous dire. Si tu savais. Alors gros, maintenant tu vois ce que je veux dire. Ouais, je donne ça à l'ancienne pour tous ceux qui se rappellent. Maintenant j'ai trop de souvenirs et trop de choses à vous dire. MK, si tu savais. Si tu savais. Ouais, tu vois, ça sera jamais comme avant. Si tu savais. À l'ancienne, MK. Si tu savais.